cigarette. Pourtant j'en ai envie. La nuit, le tabac me déprime. J'avais envie de mourir. Je n'ai jamais compris pourquoi, comme dit Pivert, la vie ne compte pas. Et ma déprime continue, même si le soleil m'éclaire de ses rayons. Il m'éclaire les yeux et je fais la grimace. Les gens pensent que je souris. Je n'ai jamais compris pourquoi, comme dit Pivert, la vie ne compte pas. Finir en chaise roulante. Formation professionnelle non rémunérée au Luxembourg, c'est du pareil au même pour moi. Je me laisse vivre comme un légume. Je n'ai jamais compris pourquoi, comme dit Pivert, la vie ne compte pas.